Ciao chérie, bonne journée. Julien, attends, la poste. Il faut aller à la poste chercher la lettre recommandée. Tu as du temps aujourd'hui? Moi je rentre tard. D'accord. Aujourd'hui j'ai une réunion jusqu'à 6h. La poste ferme à quelle heure? À 6h30. Oh là là! Et à quelle heure ils ouvrent le matin? À 8h30. Quelle heure est-il? 8h15. Je dois être au bureau à 9h15. Ok, je passe à la poste tout de suite. À ce soir, Pauline. À ce soir.